30 euros. Enfants de moins de 10 ans, 10 euros. Réservation avant le 21 novembre. Attention, place limitée. À l'espace arc-en-ciel au 266, Faubourg Vanier, à Fleury-les-Aubrais. Info en semaine au 02 38 43 50 09 et le week-end au 06 79 08 42 05. Mais aussi par mail arc-en-ciel.iota@gmail.com. Et point de vente, Radio Arc-en-Ciel, les établissements Mariano ou bien le Panier. Venez nombreux, une organisation Radio Arc-en-Ciel. Ça va? Bien et toi? Bah ça va, ça va. Ça fait un peu longtemps qu'on t'a pas vu. Bah qu'on nous a pas vu pour le coup, mais c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on n'est pas venu. Mais aujourd'hui on est là, on est heureux d'être avec vous ce matin. On est là pendant plusieurs week-ends d'affilée. Bah oui, plusieurs week-ends. Bah voilà, en fait c'est équitable. On est là et là on n'était pas là, mais là on va se rattraper sur les prochaines semaines. Mais on n'était pas là pour des bonnes raisons qu'on va expliquer parce que on était à la radio sans être à la radio. On filmait pour la radio, mais on n'y était pas malheureusement. Bah, pour ceux qui ont suivi les réseaux sociaux, je pense que vous avez déjà la réponse. Et ceux qui n'ont pas encore suivi, vous le saurez après. Voilà. Mais il est temps de s'abonner quand même. un peu quand même. Il faudrait. Oui. Et à quelle page du coup? Ah, c'est avec vous, radio. C'est l'inverse, mais c'est pas grave. Ah, maman. C'est radio avec vous. Je mais sais plus. C'est avec... lui qui se trompe. Je vous jure, c'est avec vous, radio. Bah oui. Et j'ai changé la photo de profil, si t'as vu. Parce qu'aujourd'hui, c'est une émission spéciale, quoi? Halloween. Il faut aller regarder la nouvelle photo de profil. D'accord, bah, on ira tous regarder ensemble la nouvelle photo de profil. Et du coup, oui, aujourd'hui, c'est une émission spéciale Halloween. On va vous a prévu des petits quiz pour Halloween. Oui. Des petits jeux. Bon, aussi, malheureusement, Philippe a mangé tous les bonbons. Donc, Non, c'est faux, c'est lui qui a tout mangé, je vous promets. J'aime pas les bonbons. Si, il aime bien les bonbons parce que quand il vient chez moi, il en mange. Ah, mon Dieu. Mais moi, je compte aussi vous parler de films d'horreur et d'anecdotes. On va raconter des petites anecdotes qui nous est arrivées au jour d'Halloween, qui était par exemple hier, mais peut-être dans d'autres années ou pas. Nos petites anecdotes. Et vous aussi, du coup, vous pouvez nous appeler. On commence en musique, toujours dans la bonne humeur avec Marie-Joanne. Et après, on va faire un petit peu le thème Halloween quand même. Oui. In my head, you criminal. Apaga neste corpo ainda arde. Um coração apaixonado só me lembra aquele dia em que disseste já não querias mais ninguém para ti. O que vai ser de mim? Mas a vida às vezes teima em nos afastar. O amor fala mais alto quando quer amar. Nós dois ainda podemos viver tudo o que vivemos no passado. Não consigo mais esperar. Quero essa mulher. Dança no meu peito, faz-me viver. Quero essa mulher. Chega como o vento, sei bem quem é. Quero essa mulher. Estes olhos falam de nós dois, só sabem querer. Quero essa mulher. Dança no meu peito, dá-me prazer. Quero essa mulher. Chega como o vento, sei bem quem é. Quero essa mulher. Estes olhos falam de nós dois. Não te vou perder. Ela chega, o mundo para. Minha chama não se apaga. Neste corpo ainda arde. O coração apaixonado só me lembra aquele dia em que disseste já não querias mais ninguém para ti. O que vai ser de mim? Mas a vida às vezes teima em nos afastar. Amor fala mais alto quando quer amar. Nós dois ainda podemos viver tudo o que vivemos no passado. Não consigo mais esperar. Quero essa mulher. Dança no meu peito, faz-me viver. Quero essa mulher. Chega como o vento, sei bem quem é. Quero essa mulher. Estes olhos falam de nós dois, só sabem querer. Dança no meu peito, dá-me prazer. Quero essa mulher. Chega como essa mulher. Estes olhos vão onde mostras, não te vou perder. Quero essa mulher. Quero essa mulher. Estes olhos vão onde nós os dois só sabem querer. Quero essa mulher, quero essa mulher. Quero essa mulher. Estes olhos vão onde nós os dois não te vão perder. Eu quero essa mulher. Para cordas de viola, para cordas de viola. mi pau se ja no te pati la tu serica ja ti no te gusta te como el cangri lo que pasó pasó suerte encontrando ahora como yo no yo jodiste un verano pero este no así que te pasa. Pero de una vez, dile que tú eres mi mujer. Que aunque yo soy un infiel, el que se va pa'l carajo es él. Yo sé que te quilla y que te llena de odio. Por eso es que tú te vas con otro. Cuando tú me dices que a él lo quieres, eso es porque yo ando con mujeres. No es de boca el que te sofoca. Yo sé que él como yo no te choca. Te gusta tanto que te pone loca. Bájale dos a la tóxica celosa. Así que te pasa. Kiss me. te dejes engañar por lo que parece hermoso. No te dejes engañar por lo que parece hermoso. El amor no es solo sexo, el amor no es solo gozo. El amor no es solo sexo, el amor no es solo gozo. Que si te quiero te dice, que sin ti muero te habla. Que eres mi vida, te dice mil chulerías, te habla. Sur du latina, mais on n'oublie pas le thème d'aujourd'hui qui est Halloween. Donc là, c'est toute préparation. C'est pour ça qu'on n'a pas parlé beaucoup au début, là. C'est qu'on s'est mis un peu dans le thème. Voilà. Tranquillement. Pour vous imaginer un peu l'interview, on est en train de se maquiller, de se faire maquiller. Hein. J'entends Mathis crier « Ah non, mais tu me le mets dans l'œil !» c'est très rigolo d'entendre des toilettes où je me maquille du coup en face du miroir. C'est très amusant. Mais en tout cas, on vous fera une très belle photo, une très belle vidéo comme chaque samedi sur le thème Halloween. Alors, je dis pas que t'es très belle, là, vu ta tête de ce matin. Eh, ça, c'est pas gentil. Alors, peut-être que je fais un peu peur avec le maquillage, hein, mais... Par contre, c'est marrant, on a eu la même idée. Un peu la même. Ouais. Toi, c'est le clown. Pas vraiment, mais un peu, on va dire. Non, parce qu'on m'a dit que c'était le clown, toi. Qui a dit ça? Amélie. Pas du tout le clown. Mais c'est pas grave, vous pouvez trouver ça en image. D'accord. Bah, on retrouvera ça tout à l'heure. On continue en musique avec un jour un peu de thème brésilien. Tu la connais ou pas, la chanteuse? Oui, je la connais. Tu serais nulle au blind test. Non, ouais, c'est vrai que j'ai toujours été pourrie au blind test. Adriana Lua. Olha a nega do cabelo duro. Gosta de pentear. Quando passa na passa do tubo, o negão começa a gritar. Olha a nega do cabelo duro, que não gosta de pentear. Quando passa na passa do tubo, o negão começa a gritar. Pega ela aí, pra quê? Ficou violeta na boca e na bucheta. Pega ela aí, pra quê? Pra passar batom. Ficou cor azul na boca e na porta do céu. Pega ela aí, pega ela aí. Beijo, beijo, beijo. beijo, os olhos e te beijo, beijo, beijo. Vamos dançar, rapaziada, que esta dança tá na moda. Vamos dançar, rapaziada. estou pra me agradar. E essa noite vai ter o que acabar o jantar. E agora estou sempre a pedir o mesmo prato. Dá-me moqueca, dá-me moqueca. Et on revient, on est enfin prêt. Et oui, on est enfin prêt, on est maquillé, bah, assez. On n'est pas beau, quoi. Franchement, on fait un petit peu peur. Oui, et vous n'allez pas nous croire, mais quand même, Mathis, c'est celui qui a mis le plus de temps quand même. Hein. Je déteste faire maquillage. On était à deux. Milly, elle a fait le haut du visage, moi j'ai fait le bas du visage. Je vous jure, on fera une belle photo, c'est magnifique. Aujourd'hui, on va parler du coup d'Halloween, vu que c'est le thème. Oui. Donc, dans quelques instants, on fera le premier jeu d'Halloween. Mm. Et on commence par lequel, le tien ou le mien? Au choix, comme tu veux. Alors, on va faire un vote. Pour ceux qui nous appellent, le vote 1, donc c'est le quiz d'Halloween. Et le numéro 2, c'est l'anecdote qui s'est passée à un soir d'Halloween. Donc, il vous reste quoi à faire? À appeler au 02 38 43 48 00. Elle a pas ses lunettes, donc c'est très compliqué pour voir. Surtout qu'elle connaît toujours pas le numéro, mais c'est pas grave. Oui, j'ai du mal à. En fait, c'est que je le connais, mais j'ai peur de me tromper. Donc. Elle se trompe souvent. Eu quero moqueca, ai dá-me moqueca, ai dá-me moqueca, seja de frango, de camarão ou de peixinho, ai dá-me moqueca, ai dá-me moqueca, até a vizinha quer provar um bocadinho, ai dá-me moqueca, ai dá-me moqueca, seja de frango, de camarão ou de peixinho, ai dá-me moqueca. A tua gritou, até o padre ajudou, até tapeta com ela. A banda sempre a tocar, o povo todo a cantar, até tapeta com ela. Nós apertamos os dois, então aí é que foi, até tapeta com ela. Esse amor, pois então, começou nossa paixão, nesse baile de verão. Malta gritou, até o padre ajudou, até tapeta com ela. A banda sempre a tocar, o povo todo a cantar, até tapeta com ela. Nós apertamos os dois, então aí é que foi, até tapeta com ela. Esse amor, pois então, começou nossa paixão, nesse baile de verão. Toda a malta gritou, até o padre ajudou, até tapeta com ela. A banda sempre a tocar, o povo todo a cantar, até tapeta com ela. Nós apertamos os dois, então aí é que foi, até tapeta com ela. Esse amor, pois então, começou nossa paixão, nesse baile de verão. Par deux personnes qui nous ont appelé. Merci à eux. Merci. Et du coup, c'est quoi? C'est l'anecdote. Donc, on commence par moi. Donc, du coup, bah, Mathis, quelle est ton anecdote que tu as vécue pendant un soir d'Halloween, n'importe lequel? Tu racontes un peu l'histoire. Et bon, alors, c'est pas vraiment une anecdote extrêmement importante. Pas très drôle non plus, mais c'est juste un moment où que j'ai passé avec toute ma famille et que du coup, c'était plutôt pas mal. C'était il y a 2 ans, on a créé un labyrinthe dans le jardin de chez ma grand-mère, où les gens y venaient pour récupérer leurs bonbons, ils avaient des énigmes, et tout le monde était là, toute la famille, tous déguisés, chacun à son poste pour faire peur aux gens. Oh, c'est trop bien! Et vu que c'était. Il y avait un événement, je sais pas si c'était la fête des mères ou des grands-mères. Non, je sais pas, bah, c'est pas possible du coup. Mère, c'est toujours vers un mai, donc c'est pas trop possible. Alors je sais plus pourquoi, mais ma grand-mère offrait des roses. Si, je sais qu'elle nous écoute, donc si elle se rappelle pourquoi. Qu'elle nous appelle, mais je sais qu'on offrait des roses. Qu'on D'accord. offrait des roses aux dames. Et bah, du coup, des bonbons aux enfants. Ce que j'avais, c'est moi qui donnais la rose, c'était ma grand-mère. Mm-hmm. Et nous, on donnait les cartes de visite parce que c'était, du coup, mon parrain, mon père et mon tonton qui ont fait du coup, on va dire, comment dire, partenaire ou sponsor de notre petit événement familial, on va dire. D'accord. Et du coup, en fait, n'importe qui pouvait venir. Non, tout à fait. Et tout le monde pouvait venir, tous les gens qui venaient, du coup, chez ma grand-mère. Ils venaient, ils passaient à l'entrée, du coup, avec moi qui les accueillais. On les emmenait dans une petite cage où ils devaient, du coup, chercher des petits énigmes. Parce qu'à la fin, ils avaient, du coup, un mot de passe à trouver pour ouvrir le coffre où il y avait les bonbons qui étaient gardés par mon grand-père. Je crois que c'est ma grand-mère. Ah, bah quand même. Je te laisse raconter la tienne et comme ça, je vais savoir les informations. D'accord. Mais du coup, moi, c'était. J'étais un peu petite, j'avais peut-être 11 ans, j'étais en 6e, et en fait, avec mes cousins, on a décidé de faire Halloween et on est parti tout seul. Ça veut dire qu'on est parti, du coup, on avait un cousin un peu plus âgé, ma cousine qui a mon âge, et en fait, on est parti, je sais pas si vous voyez où c'est Mardier, mais voilà, on a fait le tour des maisons à Mardier. Et au moment où on va chercher les bonbons, tout se passe bien. On finit avec une belle petite bande parce qu'on a croisé des voisins qu'on connaissait. Enfin, voilà, c'était trop trop bien. On cherchait des bonbons, on fait la petite phrase « un bonbon à ça ». Et du coup, on avait plein de bonbons. Et à un moment, on va vers une maison. Et en fait, il y a quelqu'un qui était caché derrière la boîte aux lettres. Et en fait... elle nous crie bouh comme ça et nous on a eu super peur, mais vraiment on a eu tellement peur qu'on s'est tous barrés en courant, parce qu'en fait c'était un mec, il était super bien déguisé, il était en clown tueur je crois, et en fait à cette époque là quand on avait 11 ans et que c'était la 16e, eh ben c'était vraiment l'époque des clown tueurs qui tuaient pour de vrai, donc en fait on a eu super peur, on n'est même pas... Si, imagine, c'est un peu similaire à toi. Et du coup on est partis en courant et en fait on s'est tous perdus dans Mardier. J'avais juste chopé ma cousine parce qu'en fait elle courait pas vite, je l'ai chopé, je l'ai à moitié porté et on a couru tellement vite et on s'est tous perdus. Voilà. Et sachant qu'à cette époque-là, on n'avait pas de téléphone, donc vous imaginez bien la suite. On a fait le tour des bonbons, on s'en fichait, on a continué le tour des bonbons et puis on est retourné chez nous. Et tout le monde avait peur parce qu'en fait, nous, on était arrivés les dernières. Et au final, on a mangé des bonbons à la fin. Voilà. Bon, bah, c'est Du coup, ma grand-mère m'a expliqué que du coup, en fait, on ouvrait juste des roses. Bien sûr, sur le thème d'Halloween, avec donc pour les mamans qui accompagnaient leurs enfants. Ah tout d'accord, simplement. Tout simplement, oui. Ils étaient contentes, à plat d'avoir des bonbons, ils avaient une rose. Ok, trop bien, ouais, en vrai et c'est du coup, super. Ils ont donné les cartes de visite pour faire connaître la société qu'ils avaient ouvert. D'accord, et est-ce que votre entrée, elle était payante à ce moment-là? C'était ou gratuit. Quoi? C'était gratuit, ah ouais, donc en fait vous aviez bien, vous aviez acheté plein de roses, vous aviez... C'est pour ça, on a pas mal d'investissements cette année, bon malheureusement on a pu se profiter, on a fait une soirée de jeu de société que... J'ai presque gagné. Presque on était deuxième. On était deuxième avec Mimi. T'as pas gagné alors. Non. On est d'égalité. Au petit bac, j'ai gagné. Au petit bac, t'as gagné? Bah oui. Oh là je là. Suis imbattable à ce jeu. Alors, j'y crois pas trop, mais. Alors, celle qui nous parle, alors qu'elle connaît pas où est les États-Unis. Non, mais ta gueule. Dehors. Dehors. On dit pas ça. Un mauvais sort pour Philippa. Oui, un mauvais sort. Non, mais je sais quand même où sont les États-Unis. Vas-y, dis-nous en plus. Du coup, les États-Unis, c'est... Sur quel continent? Le continent? Oui. C'est l'Amérique. C'est bien. Amérique du Sud ou du Nord? Là, tu vas trop loin. Du Nord? Oui, voilà. C'est du Amérique du Nord. C'est quoi la capitale des États-Unis, pardon? C'est New York. Pas du tout. Washington. Presque. Il y a deux Washington aux États-Unis. Elle dit juste les villes qu'elle connaît le plus. Non, c'est que je me suis dit, parce que l'Angleterre, c'est Londres. Et Washington. Mais si, c'est Washington. Washington, D.C. D.C. Oh là là. Alors, vas-y, que pour la petite anecdote, si vous voulez savoir. Justement j'avais ça en contrôle d'anglais, du coup depuis j'ai toujours retenu. Ah oui. C'est que la capitale et c'est Washington DC parce qu'il y a une autre ville qui s'appelle Washington et du coup c'est pas la même. D'accord, ok. Du coup à ne pas confondre. C'est quoi la capitale de l'Australie? Attends, je réfléchis. La capitale de l'Australie. On est parti sur un petit quiz de culture générale. Excusez-nous. Hein. On n'est plus du tout dans le thème d'Halloween là. Mince, je le savais en plus. Je le sais plus. Eh ben, c'est Canberra. Ah non, je le savais pas. Oui, parce que tu penses à Sydney. Oui, plutôt. Voilà. Bah, on va faire une émission. Oui. Back to school. Ok. Si vous voulez. Oui, on fera ça. Pas pour la semaine prochaine, car on vous en dira plus peut-être où on en est. Par contre, je pense que je te bats quand même au petit bac. Ah bah, vu les capacités d'intelligence qu'on vient d'avoir. Non, mais c'est pas grave, parce qu'en fait, c'est pays ou ville, c'est pas capitale. Donc en vrai, je connais plein de pays et plein de villes, quand même. On va tester ça dans 2 semaines. Ok, on fera ça dans 2 semaines. Et les gens, vous aussi qui nous écoutez, vous pouvez participer avec nous. On vient de se lancer un défi en live, là. Voilà. C'est très drôle. Et tout à l'heure, vous pourrez gagner, donc participer du coup à notre jeu quiz d'Halloween. Mm. Et peut-être que Philippe et moi vous ont préparé des petits cadeaux. Voilà, peut-être. Donc... C'est-à-dire si vous avez été gentil, vous avez jeté un sort à Philippe. Il faut jeter un sort à Philippe pour ce qu'elle a à dire. Mais non, c'est déjà oublié. Et vous aussi, si vous avez des anecdotes, n'hésitez pas à nous contacter au 02 38 43 48 00. Como uma espada, vou pelos caminhos, pagas teu destino, vives o amor, roubas carinhos, negros teus cabelos, cobriam teu corpo, tão cheia de amor, te vi dançando, outro te abraçava. Mas era para mim, para quem olhava, cara de cigana, doce apaixonada, que me deste amor como uma espada. Vou pelos caminhos, pagas teu destino, vives o amor. Vão gostar da nova dança, todos vão cantar esta canção. Vamos começar neste balanço, ninguém vai parar neste bailão. Hoje vai haver festa até o amanhecer. Agora só nos resta da nova dança, todos vão cantar esta canção. Vamos começar neste balanço, ninguém vai parar neste bailão. Hoje vai haver festa até o amanhecer.

Et oui, un peu Halloween, mon ami. Oui, on se met un peu dans l'ambiance pour préparer le petit quiz qu'on vous a préparé d'Halloween. Mais avant ça, j'ai une anecdote qui nous vient du Portugal. Pas de ta mère, mais du Portugal. D'accord. Elle nous a raconté comment se passe Halloween au Portugal. Donc, ça se passe, c'est que à l'époque, sa famille racontait que les sorcières venaient voler les enfants. Ils venaient voler les enfants s'ils étaient pas sages, je crois. Donc, ils disaient comme quoi, dans la nuit, les enfants, ils allaient être pris par des sorcières avec leurs balais qui volaient et qui verront plus jamais leurs parents. Oh là là, c'est terrifiant. Et du coup, les parents, avant Halloween, ils disaient « Bon, bah, je sais pas si on se revoit demain, mais bonne nuit. » Ah oui, donc en fait, eux, ils étaient vraiment plongés dans l'horreur. C'est même pas un petit peu de fiction, de fantastique. Non, c'est l'horreur. Demain, vous serez peut-être pas là. Hein. Voilà. Et ce qu'ils faisaient aussi, c'est qu'ils cachaient des citrouilles, donc ils mettaient la bougie dedans, partout dans les rues, mais dans des coins sombres. Mmh. Et du coup, bah, t'avais peur. Bah quand oui, ils allaient chercher les bons... On voyait que les yeux des citrouilles, enfin, que les ombres, quoi. Voilà. Donc, je préfère l'Halloween de France. Hein. Oui, moi aussi, je préfère l'Halloween de France. Donc, je ne sais pas si vous venez du Portugal, mais du coup, de ta maman, du coup, ça s'est passé comme ça. Oui. Bah, après, si vous aussi, vous avez... peut-être que dans chaque coin du Portugal, Halloween, c'est peut-être différent. Donc, si vous venez d'un autre coin du Portugal et qu'en fait, vous ne faites pas forcément comme ça Halloween, bah, appelez-nous. Et comme ça, vous pourrez nous raconter comment se passe Halloween au Portugal. Voilà. Bon, le petit quiz qu'on vous a préparé, un petit quiz facile de 5 questions. Ce que je propose de faire, c'est que s'il y a des réponses et que ça téléphone, vous pouvez répondre. Mais sinon, on y répondra. Et juste seulement la dernière question, le premier qui appellera, gagnera. La petite surprise de Philippe. Oui, parce qu'il y a une petite surprise à la fin. Et donc voilà, peut-être pour la dernière question gagnante. Voilà. Mais si vous voulez répondre en même temps. Oui, si vous voulez répondre, appelez-nous. La première question très très très facile. Quelle est la date où on célèbre Halloween? Du coup, c'est à moi de répondre ou... Oui, c'est à toi de répondre. D'accord. C'est le 31 octobre. Et pourquoi? Parce que c'est le jour des morts. Voilà, tout à fait. Et deuxième question, moi je te laisse en poser une. D'accord. Qu'est-ce que je pourrais... Bon, je te laisse en poser une autre. Moi, j'en ai une, mais pour après. Ok. Quels légumes creuses on décore à Halloween? Je dirais que c'est la citrouille. Un peu facile. Un peu facile. Faut qu'on commence à faire des questions un petit peu plus compliquées. Et bah la prochaine est un peu plus compliquée, un peu plus. Alors c'est facile, mais il faut bien dire la phrase. Que dit-on quand on frappe aux portes? Un bonbon ou un sort? Alors si tu veux qu'un bonbon, oui, mais moi j'en veux plusieurs. Des bonbons ou un sort? Voilà. C'est vrai que je dis toujours un bonbon. Moi je sais pas pourquoi, mais quand j'étais petite, je ne disais jamais un bonbon ou un sort. Enfin, moi, je disais toujours, je sais pas. Là, je toquais aux portes et je mettais mon sac comme ça. Et puis, je disais merci, au revoir. Oui, voilà. Trop timide pour dire un bonbon ou un sort. Du coup, je disais juste, tiens, mon sac. Et puis, voilà. Et je te suis fait une question. Alors, et je garde la dernière. D'où ? Moi, ça va être un peu plus compliqué, quand même. D'où vient la tradition d'Halloween ? Alors là, ça vient déjà de. Bah, est-ce que vous avez. Enfin, t'es sûr, t'as pas la réponse, tu non. sais pas. Ok. Bah, en fait, ça vient d'Irlande et c'est des anciennes fêtes de Celtiques de Samhain. Voilà, c'est de là où vient la tradition d'Halloween. D'accord. Et du coup, ça a été écrit en quelle année? Question piège pour Philippe. Je ne sais pas. Toi, tu as la réponse? Non, du tout. C'était juste pour te piéger. Ah d'accord, super. Bah si on recherchera la réponse et on vous le dira comme ça, on va pas rester sur une question sans réponse. Et donc la dernière question qu'on vous propose, et donc là, il faut nous appeler au numéro. Ça, c'est une réponse que tu connais ça. 02 38 43 48 00. Donc pour gagner, bon, des petits bonbons, j'avoue. Oui, c'est un petit sachet. Bon, si je les mange pas d'ici là. Et vous pourrez les récupérer du coup samedi prochain dans notre émission. Ceux qui vont gagner, du coup, on prendra votre nom et on vous les ramènera. Donc à un paquet de bonbons à gagner. On fait pas un petit, question. C'est un gros paquet quand même. Oui, oui, c'est un gros paquet. Quelle est la célèbre créature qui ne Quelle est la célèbre créature qui ne supporte ni la lumière, ni l'ail, ni le soleil. Oui, donc la lumière. Oui. On vous laisse réfléchir et on pourra et on va continuer. Donc sur une ambiance totalement différente, mais avec une dédicace qui nous a été faite de Maëlle pour sa maman et son papa et son frère, donc qui les aime très fort. Et donc la musique s'est dédicacée spécialement pour sa maman. Elle lui fait un petit souvenir de il y a longtemps, de très longtemps. J'ai un peu, il m'a expliqué pourquoi. Et je pense que sa maman reconnaîtra très, très vite la musique. Danser, danser, danser au bal masqué. Au bal. estão? No sítio do costume. Já tens? Sim, até já. Até já, beijinhos. Come on! I'm gonna drive all night to make you feel alright. I'm gonna drive all day to make you feel okay. I wanna touch your body, I wanna feel you close. I wanna make you mine, I wanna give you love. Et oui, en fait, quand vous entendez cette musique-là, c'est-à-dire qu'on revient. Et oui, du coup, on a un petit peu changé, hein, mais bon, c'est l'émission spéciale. Donc, du coup, tout à l'heure, on n'avait pas la réponse, mais on va vous expliquer d'où vient l'origine de Halloween. Du coup, en fait, Halloween vient d'une très vieille fête celtique, comme je disais tout à l'heure, pardon. Oula, le français, c'est pas Halloween. C'est parce que je lis en même temps, du coup, en fait, voilà. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est du coup une très vieille fête celtique appelée Samhain, mais en fait, tout à l'heure, enfin, apparemment, ça se prononce Samhain. Donc, tout à l'heure, je l'ai très mal dit. Donc, c'est appelé Samhain. C'est célébré il y a plus de 2000 ans en Irlande, en du coup, Écosse et au Pays de Galles. Les Celtes fêtaient la fin de l'été et le début de l'hiver dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre. Et du coup, ils croyaient que cette nuit-là, le monde des vivants et celui des morts se mêlaient. Et du coup, ils pensaient que les esprits pouvaient revenir sur Terre. Du coup, la tradition là-bas, avant, du coup, il y a plus de 2000 ans, c'était pour faire fuir les mauvais esprits. Les gens, et du coup, ils allumaient des grands feux et ils portaient des masques, du coup, effrayants. Ils laissaient aussi de la nourriture devant leur porte pour apaiser les âmes. Et plus tard, du coup, les Romains ont mélangé cette fête avec leur propre célébration des morts. Et du coup, le nom d'Halloween, le mot vient de l'anglais All Hallows Eve. Alors, excusez-moi, je ne sais pas du tout parler anglais. Alors, si c'est pas la bonne prononciation, je suis désolée. Qui signifie, du coup, la veille de la Toussaint. Du coup, le 1er novembre. Et du coup, quand c'est arrivé en Amérique au 19e siècle, les immigrants irlandais, ils ont apporté leur fête. Et c'est là qu'elle est devenue une célébration populaire avec les citrouilles, le déguisement et le trick or treat. Et du coup, c'est un bonbon ou un sort. Et du coup, voilà l'origine de la fête d'Halloween. Tu le savais ? Non, du tout. Je venais juste chercher les bonbons. Bah, moi aussi. Et puis après, c'est intéressant de savoir tout ça. Donc, voilà pour l'origine d'Halloween. Et du coup, alors, j'ai toujours voulu faire un truc, c'est aller faire Halloween aux États-Unis. Parce que c'est vraiment l'opposé de nous. Bah oui, là, c'est bien décoré. Enfin, ça a l'air c'est comme les fêtes incroyable. De Noël. Ouais. De toute façon, les États-Unis, c'est un autre univers. Quoi. Ils sont dans l'événementiel. Ouais. Et pour tous ceux qui aiment l'événementiel comme toi et moi, pourquoi pas l'année prochaine faire un Halloween à temps pour traduire français. Oui. Halloween avec Philippa. Oui. Juste l'avoir déjà, c'est un film d'horreur tous les jours. C'est méchant. En parlant de film d'horreur. Oui. Tu n'aurais pas des petits films d'horreur à nous conseiller ? Oui. Alors, en vrai, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai encore beaucoup parlé de ma cousine aujourd'hui. C'est dingue. En fait, quand bisous j'étais cousine. Plus jeune, oui, bisous Maria. Quand j'étais plus jeune, en fait, j'adorais. On dirait que j'ai 30 ans en disant ça, mais quand du coup j'étais plus jeune, à 16 ans, j'adorais regarder des films d'horreur. Et avec ma cousine, on en regardait tellement que, en fait, au final, au lieu d'avoir peur, on s'endormait devant tellement, en fait, on en regardait tous les jours. Alors que moi, c'est ma pire phobie. Ouais, mais je t'imagine bien avoir peur. En fait, c'est pas que j'ai peur, c'est que je déteste regarder des films d'horreur. Mais c'est tellement bien. Et du coup, j'en ai vu plein. Et le dernier que j'ai vu, du coup, c'était Conjuring. Et en fait, alors, j'ai sursauté, hein, je vais pas vous mentir, quand il y a des screamers, c'est pas attendu, donc forcément je sursaute. Mais en soi, ça n'a pas fait autant peur. Moi, le dernier film aussi qui est sorti il y a pas très longtemps, il y a longtemps quand même, il faisait un peu plus peur, j'ai plus très beaucoup le nom, mais pour ceux qui ont regardé, c'était des enfants qui avaient disparu pile à la même heure, le même soir, le même jour, et c'était une classe entière, et il restait juste un enfant de cette classe qui n'avait pas disparu. Et du coup, les parents se sont tous affolés. Ils ont tous pensé que c'était la maîtresse qui avait enlevé tous les enfants, sauf le petit garçon qui restait. Et donc, c'était une espèce d'affaire, mais quand même avec beaucoup de surnaturel, où en fait, il y avait beaucoup de choses derrière. Et ceux qui veulent le voir, j'ai plus le nom. Je chercherai le nom. Et je vous le dirai tout à l'heure. Après la petite pause musicale, mais vraiment, c'est vraiment super bien. Et si je devais vous parler de mon film d'horreur préféré, où ce n'est pas vraiment un film d'horreur, parce que ça n'avait pas si peur que ça, mais c'est considéré comme, Évidemment, les enfants regardaient pas ça, hein, mais mais mais c'est conseil, oui, voilà. Mais c'est vrai que c'est pas un film d'horreur où tu te dis waouh, ça fait peur. Mais par contre, l'histoire est vraiment bien recherchée. Et souvent, les films d'horreur où j'ai tendance à dire que c'est un peu moins bien, c'est que c'est toujours la même histoire, toujours du surnaturel, toujours. Voilà, c'est toujours très basique, mais celui-ci sortait vraiment du commun. Ça s'appelle Ne t'endors pas. Donc c'est l'histoire d'un petit garçon, il date dors pas, Philippe, dors pas. Et en fait, c'est l'histoire d'un petit garçon où il a été adopté par une famille qui voulait un enfant et en fait, cet enfant-là faisait des rêves qui devenaient réalité. Donc en fait, pendant qu'il dormait, ses rêves prenaient forme dans la réalité. Et donc, je vous laisse imaginer quand il fait des cauchemars où il tue ses parents, où il y a un démon qui vient les chasser. Donc, en vrai, vraiment, tout ce que je déteste, finalement. Je préfère les films de Noël. Oui, bon, on entre bientôt dans la saison. Mais voilà, si vous aimez les films d'horreur, vraiment, je vous conseille Ne t'endors pas. C'est disponible partout. Et puis, vraiment, c'est vraiment super bien. Et ça change un peu des films d'horreur où il y a où c'est un peu paranormal. Donc, vous inquiétez pas. Je pense que vraiment, c'est un film à voir. Et si vous avez des films à nous conseiller, on vous attend aussi sur nos réseaux sociaux ou autres, oui, à conseiller nos films. Justement, sur nos réseaux sociaux, on va faire un petit jeu. On va marquer donc un petit jeu de réponses où vous devez nous conseiller sur des films et on en partagera sur les réseaux. Donc, en parlant des films et autres. Oui. Donc voilà. On va continuer en musique. Un peu avec une musique d'Halloween, j'avoue. Mais très, très, très connue. On va faire voir un petit blind test, peut-être. C'est un blind test pour moi ? Pour tout le monde, ça. Ah oui, parce que je laisse ma place. Ça te dit pas quelque chose ? Tu filmes les films d'horreur ? Mais si, mais. Alors ? T'as pas trouvé ? Non, mais moi, tu sais, je suis nulle. Hein. Et bien, juste de dire le titre. J'ai pas entendu. C'est Ghostbuster. Ah ouais. C'est un j'ai pas. Elle a triché parce qu'elle a regardé le titre, mais même comme ça, elle n'y arrive pas. Oui, j'ai cru que c'était un C, le G. Bon, excuse me. On continue en musique ? Oui. Et après, on reviendra avec une chronique que vous avez plutôt aimée. Oui. Plutôt aimée il y a quelques semaines, du coup. Que Philippa, du coup, va nous continuer à nous préparer. Oui. Et nous dire sur l'horoscope. Mais ce sera l'horoscope de l'amour, précisément. Ah. C'est pour ça qu'on parle d'Halloween, du coup. An invisible man sleeping in your bed. Oh, who you gonna call? Who you gonna call? Ghostbusters! If you're all alone, pick up the phone and call Ghostbusters! I ain't afraid of no ghosts. I hear it likes to guess. I ain't afraid of no ghosts. No ghosts. I ain't afraid of no ghosts.

sur le thème d'Halloween. Là, on va parler un peu de diadème et de paillettes. Oui, parce que du coup, si on n'a pas été là les derniers samedis, c'est parce qu'il y avait une petite raison. La radio, il y a deux semaines, a été invitée. Je te laisse expliquer parce que ça a été toi qui a été vraiment en avant pour la radio. Alors du coup, la radio, la semaine dernière, plutôt l'émission avec vous a été invitée pour l'élection Smule Beauty Centre-Val de Loire. En fait, c'est qu'on a, du coup, ils nous ont demandé une interview avec nous, donc Philippe et moi, on l'a accepté parce que, bien sûr, on a dansé quoi comme chronique ? Un samedi, une miss. Donc voilà, donc on a accepté. On leur a offert deux, donc, pour leur titrer, comme pour Angèle Beauté quand ils sont venus, du coup, Centre-Val de Loire, il y a quelques semaines, le 15 novembre ? 15 octobre ? Non, c'était 11... le 11 octobre. 11 octobre. Oui. Donc, ils sont venus, et donc, leurs élus vont revenir aussi, bientôt dans nos studios pour pouvoir représenter, raconter leur aventure. Voilà, un peu comme quand vous m'avez découvert, ce que j'ai fait, mais j'étais en tant que candidate et après je suis revenue en tant qu'élue. Et là, comme pareil. Comme pour Mystère Centre-Val de Loire, voilà. Comme pour Angèle Beauté Centre-Val de Loire. Et on va continuer, on va lancer cette chronique et en plus on va pouvoir vous faire découvrir l'une des nouvelles qui est avec nous aujourd'hui, mais qui va nous parler un autre jour d'un samedi, Unis. Oui, un samedi et une nuit, donc un autre comité du Centre-Val de Loire toujours. Mais avant ça, je reviens juste sur Miss Mo Beauty. Mathis était du coup membre du jury de Miss Mo Beauty Centre-Val de Loire, donc c'est lui qui a élu ces belles candidates qui viendront ce... un week-end, un samedi, avec nous. Voilà, du coup c'est un rôle très important. Que du coup nous a appris. Bon, je le connaissais comment un peu. Comment tu l'as ressenti d'ailleurs ? Comment tu l'as vécu ? Explique-nous un peu parce que bon, moi j'étais titrée encore. Mais... Oui, parce que j'étais plus drôle de voir Philippa dans cette période. Non, en vrai, c'était très impressionnant à voir parce que du coup, on a plein de tableaux. Moi, c'est moi qui donne le tableau de base en temps normal à Angèle Beauté. Là, c'est moi qui le reçois. Oui. Donc, on a plein de critères qui sont totalement différents de chaque comité finalement. Oui, c'est différent. Parce que là, on pouvait noter donc, sur leur sourire. Sur leur motivation et leur personnalité, sur leur confiance en soi, sur leur allure et leur tenue. Donc ça pouvait être sur la tenue physiquement, mais pas que, parce que quand on faisait un discours, c'était sur leur positionnement et autres. Et le dernier qui était, pas motivation, mais créativité. Donc c'était pour se démarquer des autres. Du coup, l'élu s'est beaucoup démarqué en apportant beaucoup d'accessoires totalement différents dans chaque tenue, et ce qu'il a fait aussi... remporter la couronne. Donc voilà, c'est qu'il y a eu donc la Miss, la première dauphine et la deuxième dauphine. Donc eux, c'est des dauphines. C'est pas comme Angel où c'était des ladies. Oui. Et donc leur première, donc la Miss que vous pourrez découvrir, mais on va dire comme leur prénom, c'était Leila. Leia. Leia. Oui. Pardon. Leia pour la Miss. Première dauphine, Luna. Et la deuxième dauphine, Jessica. Voilà. Donc on va bientôt les découvrir un samedi, on est pressés. Et du coup, aujourd'hui, nous avons une Miss. Je vais le laisser se présenter, qui est là aujourd'hui. Donc, tu peux nous expliquer un petit peu qui tu es. Et te présenter. Du coup, moi, je m'appelle Émilie et j'ai été élue Miss Cultura Continentale au mois d'août. Donc, c'est un comité qui reflète toutes les valeurs culturelles. Il n'y a pas de critères de taille, de poids. C'est différencié en plusieurs catégories. Donc, on a les Miss, les Teens et les Petites. Et moi, j'ai été élue dans la catégorie Miss. D'accord. Bah, du coup, on aura le plaisir de te retrouver avec, du coup, tes autres titrés. Donc, la Miss, donc toi, la Miss Petite. Romane et la Teen Charlène. Voilà, on pourra retrouver ainsi que leurs délégués, du coup, qui viendront aussi présenter leur comité. Ok, super. Du coup, en vrai, comparé à tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant... C'est que des titres différents. Oui, on n'a jamais rencontré de catégorie. Donc, ça veut dire qu'elles sont trois Miss et sont trois, du coup, à partir à la nationale. C'est bien ça ? Oui, tout à fait. D'accord. Et qui est bientôt ? Au mois de février. D'accord. En Pays de Loire. Super, d'accord. Donc, si vous voulez encourager Milly, Roman et Charlène, j'ai bien trouvé. Oui, t'as bien trouvé. Donc on vous laisse encore un petit peu de suspense pour un samedi et Miss, et on les retrouvera bientôt. Mais pour revenir aussi, du coup, on a eu ce samedi là il y a 2 semaines où on était à semaine multi, et la semaine dernière, du coup, on devait vous préparer un petit reportage, mais là on a été on a aussi offert du coup à la titrée une interview. Oui. On était du coup à Angel Beauté France. Oui. Nous, c'est Central Dehors. Là, on était à France, donc on a aussi offert une place pour la Angel et la Première Lady uniquement. Oui, du coup, la Angel Beauté France et la Première Lady France à venir dans les studios. Ce sera pas tout de suite, parce que c'est vrai que du coup, la Angel Beauté France vient quand même de Languedoc-Roussillon. Oui, Languedoc-Roussillon. Où on était le jour de l'élection. Oui, le jour de l'élection, c'est fou. En fait, du coup, la régionale qui a gagné, c'est celle où on a été. On a fait beaucoup de chemin. On a fait beaucoup de chemin pour y aller. Oui, Mathis, il a dormi tout le chemin. Petit spoil. Moi, j'ai conduit beaucoup, mais c'était trop bien. Voilà, en tout cas, on a eu le plaisir donc d'être là-haut en tant qu'invité. Oui. Philippe, ancienne titrée. Oui. Mais en tant qu'invité, on y était, donc pour partenaire cadeau. Oui, aussi. Finalement. Et du coup, on a pu voir donc de magnifiques tableaux. Là, elles étaient au total 22. Mm. 22 sur scène, donc il y a beaucoup. Oui. Parce que les régionales sont moins, à part vous, du coup, au comité à midi, parce qu'il y a plusieurs catégories, donc elles sont encore vraiment beaucoup pour le coup. Plus, oui. Et donc là, comme on disait, Angel Beauté, donc là, il y avait la Première Lady Central Dehors et l'Angel que vous avez pu découvrir à l'interview. Donc, Joanne et Serena, qui n'ont malheureusement pas gagné de titre cette année. Mais on est très, très, très fiers du Central Dehors, ils sont quand même donnés à fond. Oui. Sur scène, elles ont dansé, elles se sont amusées, elles ont souri. Et franchement, elles étaient magnifiques. Donc, la région centre, on peut être quand même très fiers d'elles. Voilà, la région centre, on va gagner un jour la titre France dans chaque comité. On veut un titre France. On compte sur Midi aussi, on veut un titre France. Elle a l'air déterminée, donc c'est parfait. Au moins, peut-être que la région centre Val de Loire rapportera peut-être une couronne à la maison. Voilà. Et du coup, donc pour les petites chroniques, donc un jour une miss, un samedi une miss. Oui, on vous a fait un petit peu l'actualité. Vous aurez. Mais vous retrouverez ça en image, donc pour Angel Beauté France dans pas très très longtemps. Donc voir une soirée chez nous. Et peut-être on a une future candidate avec nous aussi. On a Zoé qui est avec nous. Bonjour Zoé. Bonjour. Bon, Zoé est un peu timide, donc elle nous fait du coucou de loin. Mais pour recontextualiser, Zoé, elle est montée sur scène du coup avec nous à la Saint-Jean. Elle faisait partie de nos acolytes, tout comme Milly, qui a dansé sur plusieurs tableaux avec nous. Donc vous avez déjà pu la retrouver. C'était la seule blonde. Non, il y avait Lilou. Oui, oui. Mais la seule blonde petite. Oui, Milly et Bruno. Monter à son âge sur scène, c'est vraiment incroyable. Châtain. Donc voilà, on la remercie beaucoup d'être là aujourd'hui. Vous étiez bien à Saint-Jean ? Oui. T'as bien aimé danser ? Bah oui, j'ai bien aimé. Tu l'as ressenti comment ? T'étais stressée ? Oui. C'est pas un oui ni non. Hein. Et donc t'es prête pour l'année prochaine ? Bien sûr. Parce que en fait, on a déjà la chorégraphie. Et moi, il me l'a toujours pas montré. Ah. Non, mais la seule personne qui l'essaye ici... C'est moi. C'est Zoé. Bon, ok, je pardonne à moitié. Mais voilà. Donc on est prêt aussi pour l'année prochaine déjà. Un peu trop tôt déjà, pas grave. C'est Mathis. Hein. Mathis, dès que la Saint-Jean est terminée, il a déjà la musique et la chorégraphie. Donc voilà. Mais en parlant d'événements, il y a un autre événement qui arrive très prochainement. Le 29 novembre. Oui. Qu'est-ce qu'il y a, Philippe ? Le 29 novembre, c'est le repas. C'est un repas dansant où du coup il y aura Adriano Pereira qui est un chanteur qui sera là pour animer la soirée. Et donc au menu il y a une assiette océane en plat chaud. Je ne sais pas si je vais dire correctement. Cozido portugaise. Cozido portugaise. Bon voilà. Hein. Un trio de fromage sur son lit de salade. Et dessert glacé avec le café et le thé avec, alors c'est encore pire que le premier, Cheirinho. Ah oui, Cheirinho. Qu'est-ce que c'est ? Ça veut dire rempli, quoi. Ça veut dire ça. D'accord. Bon, alors, je sais pas du tout ce que ça veut dire. tu vois, quand on dit un café Cheirinho, en fait, c'est qu'au Portugal, souvent, quand on dit juste un café, en fait, ils te mettent une micro-dose. Donc, du coup, pour avoir un grand café, enfin, un café d'une taille, d'une tasse entière, on dit un café Cheirinho. Voilà, c'est pareil. D'accord. Bon, tout ça pour le prix d'un menu très, très, très bon. Donc, de 25 pour les adhérents. Oui. Donc, si vous voulez vous adhérer, C'est maintenant. Oui. Pour le prix du public. Donc le prix du public. Non, pas le prix du public. Pour prix du, au public. Pas, on est plus dans la mise, ça. On est plus dans la mise. Prix du public. Perdu. Pour les non-adhérents. En donc 30 euros. Et pour les enfants, 10 euros. Donc réservation avant le 21 novembre. Donc point de vente de Radio Arc-en-Ciel, établissement Mariano, panier du monde. Donc attention, place limitée. Et du coup, vous pouvez pour réserver, vous pouvez nous appeler au 02 38 43 48 00. Donc c'est le téléphone du studio. Mais vous pouvez aussi envoyer un mail avec le nombre de personnes, si vous êtes adhérent ou non, arcenciel.iota@gmail.com. Donc du coup, si vous voulez venir écouter du coup ce magnifique chanteur qui sera là pour animer cette soirée, Adriano Pereira, et manger un excellent menu, c'est maintenant. Alors j'ai eu un très bon appel pour toi, Philippa. Ah bon? Tu nous faisais la connaisseuse. Mais où chez Ligne? C'est pas du tout ça. Ah! Alors... Madame la prof portugaise. Mais c'est, t'as dit chez Ligne? Oui, chez Ligne. Chéligno, bah... Avec un R ou pas de R? Parce que moi, j'ai pas le truc sous l'affiche, hein, parce que... Chéligno, avec un R. Ah, bah oui, mais c'est différent. Donc, c'est quoi? Chéligno, bah, je sais pas, du coup. Et bah, du coup, c'est une goutte d'eau de vie. Ah, ok. Vous avez après café. Parce que moi, en vrai, j'ai pas l'affiche sous les yeux, hein, je vous mens pas. Ah, j'ai pas l'affiche, hein. Oui, oui, c'est ça. C'est mes notes. Et du coup, moi, j'ai tout dans la tête. Et c'est vrai que Chéligno... je pensais qu'en fait, quand il l'avait dit, parce qu'il n'a pas un très bon accent, hein, je l'ai prévenu avant. Et ben, en fait, j'ai cru qu'il avait dit Cheirinho. Et vous allez me comprendre, les Portugais. Mais du coup, Cheirinho, c'est quoi? Ah oui, c'est, tu l'as dit. Goutte d'eau de vie. Goutte d'eau donc, de vie. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Réserver notre 29 novembre. Oui, vous appelez, envoyez des mails et réservez parce que. Et venir, places... du coup, les chercher dans les établissements dits, donc pour les billets. Donc voilà. On continue la musique? Oui, et après on parlera d'un événement qui arrive très bientôt aussi. Et donc notre chronique, laquelle? Un jour une miss. On en a plusieurs. Ah, je sais plus. Je sais plus laquelle tu parles. Si je te dis Lion, Bélier. Ah, oui. Donc oui, là après la pause musicale, on pourra vous parler de l'horoscope de l'amour. L'amour est là. De olhos castanhos, ai que linda cabritinha. Ó Delfim, isso é verdade, são da tua opinião. Sempre fui homem maroto, a morena é uma paixão. Esta morena não é só tua, oi Delfim e a cautela. Da maneira que isto vai, acho que vais ficar sem ela. Carinho para a morena, vamos dar carinho para a morena. Ela é bonita e tão serena. Vamos dar carinho para a morena. Mas fico só por um olhar. E eu cá não penso assim. Já sonho com a moreninha. Ainda tenho pedalada para dar uma voltinha. Esta morena não é só tua, oi, te fino e a cautela. Da maneira que isto vai, acho que vais ficar sem ela. Carinho para a morena, vamos dar carinho para a morena.

J'étais prête à chanter là. Ben, on a entendu ton air de voix au début. Hein. Mais apparemment Zoé aussi, donc. Ah Zoé, vas-y, chante. On j'ai coupé le micro, vas-y. Non, ça ira. Du coup, on revient vers vous pour l'horoscope de l'amour de novembre. Donc, du coup, j'ai pensé. C'est pour ça que c'est sur le thème d'Halloween. T'es méchant. Je rigole. J'ai pensé à tout le monde. J'ai pensé aux couples comme Mathis et aux célibataires comme moi. Donc, ça va aller. Pour chaque signe, il y a du coup un horoscope célibataire et un horoscope couple. Donc, je fais les couples. Oui, bah voilà, vu que Mathis est en couple, bah, il fait le couple. Et vu que moi je suis célibataire, bah, je fais le célibataire. Voilà, on ça arrivera ensemble. Prochainement, t'inquiète. Non, non, ça va aller. Prends un mystère central de l'Ouest. Non, ça va pas aller. Pas cette année. Ah bah non, l'autre. Non, non. On sait pas s'il sera en couple ou pas. Non, non, non, ça va aller. Merci. Alors, l'horoscope de l'amour, on commence par les béliers. Et si vous voulez pas commencer par les béliers. Eh ben, on commence par les béliers quand même. Et du coup, pour les célibataires, du coup, c'est ton charisme explose. Une rencontre passionnée est possible, mais car au coup de foudre trop rapide, laisse le temps de révéler les vraies intentions. Et du coup, pour le couple. Moi, je cherchais qui jouait en bélier que je connaissais, célibataire. Bah, du coup, moi, je connais ma mère qui est en couple avec ma mère qui est. Bon. Avec ta mère, avec ta mère. Du coup, ma mère. Bah, alors, pour ta mère, du coup, c'est. Avec mon papa. Pour ta mère, du coup, c'est ton énergie déborde et peut rendre ton partenaire un peu nerveux. Canalise ton feu en projet à deux plus tôt quand dispute dialogue avant de foncer. Bah oui, à un moment c'est vrai que tu fonces toujours sans trop penser avant. Donc voilà, des petits bisous. Et ton papa c'est quel signe astrologique? Mon papa c'est vierge. Bon, il sera après alors. Oui. Taureau. Pour les célibataires, donc moi j'en connais une. Mais je dirais pas son nom. Zoé. Du coup, Zoé, voilà, pour les célibataires. T'es célibataire. Ah, c'est un petit... C'est un petit oui, un petit non. Voilà, donc on va dire que t'es à moitié concernée pour les deux. Alors, une rencontre inattendue peut bousculer ta routine. Si tu lâches un peu le contrôle, tu découvriras une complicité sincère. Pour les couples, l'amour devient plus doux et sensuel. Tu ressens le besoin de sécurité et ton partenaire saura te l'offrir si tu exprimes clairement tes émotions. Est-ce que c'est le cas, Zoé? Non. Émilie qui rigole sans bruit, c'est un muet. Pourquoi tu rigoles? Tu peux le dire. Mais elle n'arrivait pas à parler. Non, c'est Zoé qui me fait rigoler, c'est pour ça. D'accord. Je pensais que tu connaissais un taureau et que tu rigolais pour ça. Non, malheureusement, je connais pas ton. D'accord. Pour les Gémeaux, ma mère, mon père, ma mère. Donc, vous n'êtes pas célibataire, mais pour les Gémeaux célibataires, je crois que je n'en connais pas. Du coup, ton charme attire plusieurs prétendants. Flirte, amuse-toi, mais écoute ton cœur. Une personne plus profonde que tu ne crois pourrait te surprendre. En couple, la communication est au cœur du moi. Évite les malentendus et clarifie ce que tu ressens. Un petit voyage ou une activité partagée renforcera votre lien. Bon, bah les parents, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Les cancers, est-ce que j'en connais? Bon, j'en connais pas. Je sais plus en fait, je sais plus qui est quoi, mais voilà. Du coup, les célibataires, tu as besoin de douceur et d'authenticité. Une rencontre sincère pourrait t'apporter un vrai réconfort émotionnel. Pour les couples, le climat est propice à la tendresse. Tu te rapproches de ton partenaire et retrouves la complicité perdue. Excellent moment pour des projets à deux. Et on arrive au lion. Parce que du coup, Milly est lion, Mathis est lion. J'ai vu la couple et ça me fait rire déjà. J'ai pas lu. Bon. ah si, je suis en train de lire. Bon, du coup. Pour Philippa, du coup. Oui, pour moi et pour tous les lions que je connaisse. Tu brilles et tu plais. Une rencontre marquante est possible, mais elle te demande de montrer ton vrai visage, pas seulement ton côté solaire. Je sais que je suis solaire. Il parlait pas Philippa alors, du coup. Hey. Pour les couples. Je rigole pas. L'amour te pousse à être plus sincère et moins dans la fierté. Montre tes émotions, cela renforcera la confiance et la passion. Bon, bah voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire, mes petits lions. Elle te pointe du doigt, Mathis. Je ne sais pas ce qui se passe, mais en tout cas, t'as intérêt à être un peu plus. Avec moins de fierté, moins d'ego, plus sincère et monte tes émotions, s'il te plaît. Voilà. Alors, franchement, je pense qu'on est deux du coup. Ça se partage. Bon. Bah voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Pour les vierges, donc ton papa. Oui, mais bon, mon papa n'est pas célibataire. C'est moi qui le fais. Oui. Du coup, les vierges, qui je connais, je connais certaines personnes. Du coup, tu pourrais être attiré par quelqu'un de différent de ton type habituel. Lâche ton besoin de tout comprendre et laisse la magie opérer. Pour les couples, ce mois t'invite à baisser la garde si t'es en. Si des tensions persistent, le dialogue calme et la bienveillance régleront beaucoup de choses. D'accord. Bah, ça complète du coup vraiment entre ta mère et ton père. Oui, c'est vrai, ça complète du coup, vraiment. Petite dédicace à vous. Gros bisous et bon dialogue. Dialoguez, ne criez pas. Non, je rigole, il crie pas, c'est faux. Balance, du coup... Ah oui, je connais des balances. On fait célibataire. Mais j'ai du mal avec les balances, mais bon, vous aime fort quand même. Oh là là. J'en aime quand même. Célibataire, du coup, l'amour flotte dans l'air. Une amitié peut se transformer en relation tendre et équilibrée. Soit ouverte aux invitations et aux sorties. Pour les couples, la paix revient après une période confuse. Vous retrouvez l'harmonie. C'est le moment idéal pour planifier une escapade romantique. Vous savez quoi faire? En fait, il n'y a que pour les autres, ils font des escapades romantiques et les lions ont... Ouais. Égo, quoi. Pour les scorpions. Donc, célibataire. Une passion brûlante peut éclore, mais ne laisse pas la jalousie ou la méfiance saboter ce lien prometteur. Pour les couples, les émotions sont intenses, parfois trop. Si vous évitez les jeux de pouvoir, vous vivrez un moment sensuel et complice. D'accord. Et pour les sagittaires maintenant. Les célibataires, tu as soif d'aventure, une rencontre lors d'un voyage ou d'un événement social pourrait allumer une belle flamme. Ouais, vraiment, ils voyagent tous. Oh, je vois bien être sagittaire là. Pour les couples, tu peux respirer et bouger à deux. Encourage ton partenaire à partager tes vies plutôt que de t'enfermer dans la routine. Capricorne, célibataire, tu attires les personnes sérieuses prêtes à construire. Ce mois favorise une relation stable et authentique. Pour les couples, vous parlez d'avenir, mariage, maison, bébé. Les décisions durables sont favorisées, l'amour se solidifie. Verseau, mon frère, du coup ce sera mon frère parce qu'il est en couple, du coup on verra ce qu'il lui réserve. Donc, pour les célibataires, une rencontre originale te sortira de ta zone de confort. Garde l'esprit ouvert, même si la personne ne correspond pas à ton type habituel. Pour les couples, la communication est clé. Une idée folle ou un projet créatif peuvent relancer votre complicité. Reste toi-même libre et sincère. Ok. Et pour les poissons... Les célibataires poissons, ton intuition te guide vers quelqu'un de bien. Tu pourrais ressentir un lien fort dès le premier regard. Écoute ton cœur. Pour les couples, beaucoup d'émotions et de tendresse. Si tu évites de te refermer, tu vivras un mois de fusion amoureuse et de confiance retrouvée. Et voilà, c'est bon pour l'horoscope. Madame Irma, elle a fait ses horoscopes. Et en vrai, je tiens à préciser quand même qu'on n'a pas eu trop de chance quand même, les lions, parce que moi, bah, apparemment, je dois éviter d'être trop solaire et toi, bah, tu dois être plus franc, plus sincère. On est deux ici. Oui, mais je parle à toi parce que... Ok, bah, de toute façon, les lions, ils sont connus pour ça, ils ont un énorme ego. Enfin voilà, c'est vrai que c'est notre petit péché. Bonsoir. Non, péché. Ça dépend. Non, c'est un péché d'avoir de l'ego. Oui. Mais bon, en tout cas, voilà, l'horoscope est fait, on vous le fera chaque nouveau mois de l'année. Tout à fait. Donc le prochain mois, c'est le mois de décembre. Elle a du mal. Ah oui. Non mais j'ai du mal à dire qu'on est en novembre, enfin, ça passe trop vite. Oui, aujourd'hui on est le 1er novembre. Et je me souviens que je suis venue à la radio Arc-en-Ciel il y a un an, en octobre. Parce que jour pour l'eau. Oui. Et bon anniversaire à toi. Et j'ai commencé vraiment à venir à la radio en décembre. Enfin, être animatrice, c'était avant l'émission Noël et tout ça, donc c'est vrai que... En fait, c'était la première émission Noël que vous faisiez et que j'ai été co-animatrice, donc voilà, c'est bientôt mon anniversaire au sein de la radio. Tout à fait. J'attends des cadeaux. Hein. T'as le droit de revenir. Ah bah merci. De toute façon, je suis embauchée par Mathis, alors. T'as ton salaire à la fin du mois. Oui, c'est ça, oui. On continue en musique. Un peu plus sensuel, un peu latino, avec Slow Mo. Let's go. Llegó la mami, la reina, la dura, una Bugatti. El mundo está loco con este party. Si tengo un problema, no monetary. Lo vuelvo loquito, todo lo estaré. Pues siempre primera, nunca secondary. Apenas con zoom, zoom, con mi boom, boom. Y le tengo dando zoom, zoom, a Miami. Y no se confundan, señora y señor. movimento, galera, vamos pirar. Vamos curtindo essa onda, ninguém pode negar. Todo mundo vai cantando. Mas fico tanto amor. Estou meio sem planos. Et cette prochaine musique est dédiée, donc une dédicace de la part de ma maman pour du coup son grand-père et sa grand-mère, donc mémé et pépé. Elle leur fait de gros bisous et elle les aime très fort. Se souber que mais alguém se colou a ti, tu sabes que eu te amo. Não espanto pra mais ninguém. Eu não agi certo, não agi. Mas preciso de ti, é. Preciso ouvir. Preciso ouvir que me queres. Sentir que ainda me queres. E não é desta que acabou. Todos falam de ti. De como foi o amor que te perdi por um pouco. Yeah. Et oui, quand on entend cette musique, on sait que c'est... la fin. La fin de cette belle mission, mais on reviendra samedi prochain, encore en forme, encore avec de super musiques, de nouvelles chroniques. Et on vous parlera encore de plein de nouveaux projets de chroniques qu'on aimerait faire. On vous laisse quelques surprises. Et surtout, n'hésitez pas à suivre notre Instagram avec -vous- radio pour le nouveau vlog qui va sortir de ce samedi d'émission Halloween, où il y aura un petit vlog où vous nous verrez maquillés, où on a eu notre grande gagnante aussi pour le sachet de bonbons, parce qu'elle a réussi à répondre du coup à cette énigme. Et puis surtout, on va vous annoncer, je te laisse annoncer Mathis, ce que tu étais en train de préparer. Alors du coup, c'est que aujourd'hui c'était une spéciale quoi ? Une spéciale Halloween. Mais chaque année, je ne sais pas si vous connaissez Maria Carré, mais je pense que tout le monde la connaît ici, présente, fait une petite musique au soir du 31 pour annoncer quelque chose. Donc on va vous l'annoncer aussi. Et oui, on sait que c'est pas Noël encore. Et oui, on sait que c'est très tôt. On suit la tradition de Marie Carré et voilà. À partir du 1er novembre, on fait un peu partie du début des fêtes de Noël. Voilà. Et chaque année, Marie Carré sort sa musique pile le 31 soir. Voilà, en fait, c'est qu'elle reprend sa musique sur pas différents faits. Donc, elle dit que Halloween c'est fini et donc que c'est Noël. Bon, on en est très loin encore. Les décorations de Noël sont pas encore arrivées ou autre. Mais ça se met déjà un peu dans l'ambiance. Voilà. Même si les films de Noël sont déjà là, alors que bon. Et la patinoire va bientôt ouvrir, je suis très contente. Moi j'adore la patinoire. Mais patine très mal, mais. Non, c'est faux, je patine très bien, c'est Mathis qui se patine. Ah si. Oh non. Si. Bon, on essaiera et on vous fera un vlog patinoire radio. Si on casse pas le téléphone ici là. Mais donc voilà, c'est la musique de fin de cette émission. Spécialement. Spécial, très spécial, oui. Mais elle sera pas là tous les jours, on n'est pas encore Noël, mais c'est quand même pour vous annoncer que c'est bientôt, on rentre bientôt dans la période de Noël. Voilà, de Noël. En tout cas, merci à Émilie d'être venue, on espère te retrouver très bientôt, du coup, avec ton comité. Merci beaucoup. Pour un samedi. Et Miss. Et Zoé, on se retrouve sur la Saint-Jean 2026. Ah bah oui. Très pressé. Oui. Et nous, on vous dit. À très bientôt. Au revoir. Et ciao. Au revoir. C'est nous, Radio Arc-en-Ciel est de retour. Réserve tout de suite ton 29 novembre. Et oui, le 29 novembre, Radio Arc-en-Ciel organise un repas dansant et gourmand. Une soirée animée par Adrienne Pereira. Pour la première fois sur Orléans. Uma lindíssima voz do bailarico português vai ser de dançar até amanhecer. Réserve vite. Le 29 novembre à 19h30 à table. Au menu, une entrée, assiette océane, un plat chaud, cousido à portugaise, un fromage, trio de fromage sur son lit de salade, un dessert glacé, et puis un café ou un thé, et un cheirinho. Boisson non comprise. Prix adhérent, 25 euros. Prix public, 30 euros. Enfants de moins de 10 ans, 10 euros.